Chapitre 5e. Du fond de la retraite, où son âme rente l'a cachée, Viadiego entend soudain éclater des clameurs, retentir des cris de joie. On se presse devant la grotte où Adzimba reposait durant 3 jours, d'où, conduite inanimée, elle vient de sortir vivante. Les épouses du soleil, leurs servantes, les prêtres chargés de l'entretien du feu sacré qui brûle éternellement l'honneur de l'astre, poussent des cris d'allégresse, chantent de joyeux hymnes. On promène Adzimba en triomphe, on la couvre de fleurs. On admire le brillant de son regard, on l'interroge. C'est une ressuscitée. Le soleil a fait un miracle en sa faveur, et la jeune fille apparaît doublement sacrée. Les habitants de Zinepecuaro sont vite instruits de ce qui s'est passé. Ils se racontent la mort d'Adzimba, sa résurrection. Le prodige est patent, et n'aura d'explication naturelle que 350 ans plus tard, par un mot aujourd'hui connu de tous, la catalepsie. Le commandant de la ville expédie courrier sur courrier à Zinzunzan pour aviser le roi du miracle survenu et lui en raconter les détails. Adzimba veut parler à tous ses envoyés avant leur départ, leur dire de se hâter, les charger de répéter au roi d'accourir, qu'elle a d'importantes révélations à lui faire, révélations qui l'intéressent et intéressent son royaume. En dépit de ses avis, le roi tarde et les jours s'écoulent. Le roi tarde. Or, chaque soir, aussitôt la nuit venue, Adzimba, chargé de vivres, va secrètement rejoindre Viadiego. À ses heures favorables, toujours attendues avec impatience, les deux amants errent sous les bosquets les plus ombreux, se reposent sous les arbrisseaux fleuris, vivent la main dans la main, les yeux sur les yeux, les lèvres sur les lèvres. Comme elle s'écoule rapide, ces nuits enivrantes, que les deux amants voudraient sans fin. Adzimba n'appelle plus son frère, ne s'inquiète plus de sa lenteur. Le jour, elle déplore la longueur des heures, et la nuit, elle voudrait arrêter le temps. De son côté, Viadiego, tout à sa belle et jeune maîtresse, à laquelle, en bon espagnol, il a appris le nom du vrai Dieu, qu'il a ondoyé et qui s'est laissé faire pour être plus à lui, Viadiego ne songe plus à sa mission, à la gloire, ni même à son pays. Un seul être pour lui peuple maintenant le monde, et cet être qui le possède, qui l'aime, est une fille et une sœur de roi. Il n'a plus qu'un désir, vivre pour Adzimba, dont ni la beauté ni le charme n'ont d'égal, qui n'aime, qui n'a jamais aimé que lui. Tsimtsisha arrive enfin. Des soldats se sont montrés, et les roulements désordonnés, à la fois lugubres et martiaux du Teponastlé, selon le tambour des Aztèques et des Tarasques, annoncent son approche. Le grand prêtre de la déesse Guerapéry, revêtu de ses insignes, est parti à la rencontre du souverain, l'aborde, lui parlant secret. Le roi, nonchalamment étendu dans son palanquin, l'écoute, puis peu à peu se soulève. Ses sourcils se froncent, son front se plisse, ses regards deviennent sombres, menaçants. Il ordonne de reprendre la marche et, suivi de toute sa cour, pénètre dans le palais où bientôt il fait appeler Adzimba, qui, radieuse, paraît devant lui. Le roi a changé l'expression de son visage. Il sourit à la jeune princesse, se déclare, avec bienveillance, prêt à l'entendre. « Roi et seigneur, dit Adzimba, lorsque la mort m'a saisi, lorsque mon âme a quitté mon corps, elle est allée là-haut, entre les 4 étoiles. En ce lieu divin, la voix inconnue d'un être invisible m'a parlé, m'a ordonné de retourner sur la terre pour te dire de faire alliance avec les hommes blancs, envoyé par lui pour conquérir les royaumes de notre sol. Les lois qu'apportent ces hommes-dieux sont les vraies. Elles doivent prévaloir sur les nôtres qui demandent du sang. Comme preuve de ma véracité, roi, je dois t'apprendre qu'un jeune homme, beau comme un rayon, une flamme brillante à la main, m'est apparu un matin vers l'Orient, à l'heure où le soleil se levait. Il m'a longuement regardé, puis a disparu en emportant mon âme. Il me l'a ensuite rapporté, rendu, en venant me réveiller sur mon lit de mort. C'est lui qui m'a révélé la douceur des lois nouvelles ramenées sur la terre. Il est le céleste messager qui doit te les apprendre à ton tour. Écoute-le. » Les paroles d'Adzimba étaient sincères et elle croyait ce qu'elle disait. Elle croyait avoir été victime de la mort, puis, rendue, rappelée à la vie et à des félicités divines par celui qu'elle aimait. La miraculeuse apparition de Viadiego, juste à l'heure où elle revenait à la vie, lui avait réellement paru celle d'un envoyé céleste. Elle était heureuse d'être sienne, fier qu'il fût sien. Délivrée par la mort de ses vœux de fidélité au soleil, elle ne voulait plus vivre que pour aimer son envoyé, que pour être aimée par ce céleste messager. Tsimsitcha écouta le récit de sa sœur sans l'interrompre, en proie à des émotions dont il n'était pas toujours maître, émotions si fortes qu'à plusieurs reprises, des larmes coulèrent sur ses joues. Ses troubles furent attribués à la crainte par ceux qui l'entouraient, et l'on crut qu'il pleurait son empire perdu. Il mit fin à l'audience et se retira avec ses ministres, c'est-à-dire avec le chef suprême de ses armées et le grand prêtre de Tsinsunsan. Il leur révéla aussitôt que le grand prêtre du temple de Zinapokuero avait été pied à Tsimba aux heures où elle se promenait dans les bosquets sacrés du parc avec l'étranger, dont elle venait de parler comme d'un être céleste, lequel n'était que l'un des soldats de ce Cortès, de ce capitaine qui, après maint combat ou parfois vaincu, il l'avait laissé voir qu'il n'était qu'un homme, venait enfin de renverser l'empire d'Anahuac. Il expliqua que Villadiego, chef d'une ambassade soi-disant aztèque, lui était secrètement envoyé, à titre de prisonnier, par l'habile commandant de la ville frontière de Taximaloyan. Trompé, victime de son imagination, de sa virginale ignorance, Atsimba avait violé ses vœux religieux. Cependant, on ne pouvait nier que la princesse fut morte à l'heure où son corps avait été déposé dans la grotte et que l'étranger, par des maléfices, eût réussi à rappeler son âme et souiller, sinon l'épouse du soleil, au moins une vierge fille de roi. Tsimsitcha, fanatique, superstitieux, ne savait quel supplice infligeait à sa sœur, proie des méchants esprits. Sacrilège, parjure, elle devait être enterrée vive, mais sa mort, puis sa résurrection, la mettait en quelque sorte à l'abri de l'humaine justice. Que faire d'elle? Les conseillers, indécis, n'osaient se prononcer. En ce qui touchait Villadiego et les nobles mexicains qui l'accompagnaient, il devait être sacrifié dans le temple de la déesse Axaratanga. Quel fut le résultat du conseil tenu par le roi? Nul ne le sut. Dans l'après-midi de ce même jour, Tsimsitcha reprit, avec sa cour, le chemin de sa capitale. Il avait refusé de voir l'étranger, et il emmenait avec lui à Tsimba et pleurait. Le peuple, qui adorait la belle jeune fille, se pressa pour la voir passer, et fut ému par la vue de ses larmes, dont il ignorait la véritable cause. Il répétait qu'elle regrettait le ciel qu'elle avait entrevu, puis perdu, qu'elle aspirait à franchir de nouveau la porte sacrée des quatre étoiles. Trois jours plus tard, les habitants de Tsinsunsan se pressaient dans les rues de leur ville pour voir passer, disait-on, des ambassadeurs venus de Mexico. Mais des agents du roi, mêlés à la foule, lui répétaient que c'étaient là de faux ambassadeurs, puisqu'il était notoire que le dernier des empereurs aztèques, au nom duquel il se présentait, était mort. Villadiego ne figurait pas dans ce cortège. Le roi avait ordonné qu'on ne l'amenait dans la ville qu'au milieu de la nuit. 24 heures s'écoulent, et dans le temple de Tsinsunsan, le son des trompes marines appelle le peuple, bien que ce ne soit la date d'aucune fête. La foule accourt, se range dans le vaste cirque auquel le temple fait face, et 12 prisonniers aztèques paraissent entourés de prêtres. Un signal. 12 cadavres gisent autour de la pierre des sacrifices, et 12 cœurs fumants, ceux des compagnons de Villadiego, sont déposés devant l'image qui symbolise le 12 astres de la nuit. Il y a 2 heures que le soleil a disparu derrière les collines qui, vers le couchant, bordent la vallée de Tsinsunsan. 2 heures que la nuit a fait taire les oiseaux et les hommes, lorsqu'une barque, conduite par 10 rameurs, glisse rapide sur le bleu miroir du grand lac, dont les eaux vermeilles baignent la capitale du Michoacán. Les rameurs ne sont rien moins que de grands personnages de la cour, et assis côte à côte sur la plateforme du long esquif, la main dans la main, se tiennent Tsimba et Villadiego. Après un assez long voyage, les amants sont débarqués sur la rive du port de Carichero, près de la résidence d'été des rois, en ce moment inhabitée. Là, les entourant avec respect, avec un soin méticuleux, les rameurs les conduisent dans la plus somptueuse des chambres du palais. Bientôt, les 2 amants reposent, et lorsque le ciel reparaît, ils errent dans le parc dont les allées sont familières à la princesse, heureuse de guider celui qu'elle aime parmi les bosquets. Là, à la fin, il s'établit sur une terrasse dont il contemple le beau lac que sillonnent de légères pirogues, sur lequel des oiseaux aquatiques au riche plumage naviguent par bandes, plongent à l'improviste ou en volant, trempent leurs ailes roses ou azurées dans l'eau vermeille. Le ciel, d'une incomparable pureté, surprend via Diego, qui pourtant connaît celui de la vallée de Mexico, et se croit dans un pays enchanté. Mais son soin le plus constant est de regarder à Zimba, de voir refléter son image dans les yeux noyés, enivrés, attendris de la jeune princesse. Qu'elle est belle! L'ardente amoureuse, avec ses traits si fins, sa bouche souriante, insatiable de baisers, ses dents éblouissantes, sa peau dorée, sa taille svelte, ses pieds et ses mains dignes de sa race, ses cheveux luisants, dont elle s'enveloppe comme d'un manteau, lorsqu'elle en dénoue les tresses pour obéir à son amant ravi. Quelle ineffable douceur prend sur ses lèvres l'idiome dans lequel elle improvise de doux mots d'amour. Comme elle a passé rapide pour les deux amants cette belle journée, presque tout entière, employée à se répéter qu'ils s'aiment. Atzimba ne songe plus à la cour, via Diego ne se souvient ni de Mexico ni de l'Espagne. Tous deux vivent dans un rêve, dans un délicieux rêve qui doit durer toujours, car Tzimtzitcha l'a promis à sa sœur, ils vivront loin de la cour, mais il ne les séparera jamais, puisque le soleil, qui dispose de la foudre, est resté impassible et a prouvé par sa mansuétude sa volonté que les deux amants soient heureux. La nuit est venue, transparente. Atzimba et Via Diego ont soupé et songent à se reposer, quand le chef de leur escorte vient les inviter à prendre place dans un vaste palanquin. Ils doivent être conduits dans les fertiles campagnes de Curinquearo, lieu d'enchantement où la brise est tiède, où les peuples et les arbres sont toujours en fleurs, où les champs et les bois sont sillonnés de ruisseaux aux ondes cristallines, où les étoiles du ciel sont si brillantes qu'elles laissent à peine regretter les splendeurs du jour. Atzimba est pressé d'atteindre ce lieu d'exil plein d'oiseaux chanteurs, lieu choisi par la bonté de son frère, qui n'a demandé aux deux amants qu'une seule chose qu'ils désirent eux-mêmes, se cacher leur bonheur et se laisser oublier. On atteint un palais ruiné. Les amants y passent la journée, et leur escorte, vigilante, veille plus strictement que jamais à ce que nul n'approche, bien que la contrée soit déserte et qu'un voyageur égaré puisse seul se présenter. Un bruit sourd résonne sans cesse, c'est leur rumeur lointaine, majestueuse, de la cataracte de Surumacapio. Déjà les arbres de la terre chaude mêlent leurs branches à ceux de la terre tempérée. Mais Via Diego, qui a remarqué les soins méticuleux avec lesquels lui et sa compagne sont gardés, est moins tranquille que son amante. Quand vient la nuit, Atzimba, nerveuse, impérieuse, impatiente, mise en éveil par son amie, demande elle-même que la dernière étape soit rapidement franchie. On part. La nuit est noire. On chemine sous de grands arbres, dont la cime ne laisse rien voir du ciel. Une halte. On se trouve sur le bord du ravin de Curinquearo, étroite coupure au mur perpendiculaire de granit, gouffre dans la profonde obscurité duquel gronde un torrent. Atzimba se soulève, s'étonne, interpelle ses nobles porteurs divisés en deux groupes. Avant qu'ils aient rien pu prévoir, les deux amants sont saisis, garrottés, et la pâle face de la lune, comme attendue, se montre au-dessus du ravin, qu'elle éclaire en même temps que les visages sinistres des ministres de Tzimtzitcha. Atzimba va parler, elle est soulevée, plane au-dessus de l'abîme, et Via Diego, suspendu lui aussi, sent la terre manquer sous ses pieds. Ils descendent, s'enfoncent dans l'ombre où on les laisse glisser. Une voix leur crie de prendre pied sur une plateforme qu'ils vont rencontrer, de se dégager de leurs liens. Ce qu'Atzimba peut exécuter, car on ne lui a pas entravé les bras. La même voix leur crie de pénétrer dans la grotte qui s'ouvre sur la plateforme, asile qu'ils doivent à la bonté du roi. Les câbles remontés descendent des corbeilles pleines de vivres, puis deux énormes jarres pleines d'eau. Les sinistres mandataires adressent à la princesse un suprême adieu, s'éloignent, et le grondement de la cataracte, le sourd murmure du torrent, l'aigre cri des aigles et des vautours, planant au-dessus de l'abîme quand le jour paraît, sont les seuls bruits qui troublent la morne solitude. Trois siècles et demi se sont écoulés, et le voyageur qui côtoie le bord du ravin de Curinquearo, aujourd'hui Chican le Vieux, voit en se penchant à l'entrée d'une grotte inaccessible deux antiques jarres dont il ne peut s'expliquer la présence en ce lieu. S'il pouvait descendre le long du mur de granit, il s'étonnerait plus encore en découvrant, presque à l'entrée de la grotte, deux squelettes aux os blanchis, l'un d'homme et l'autre de femme, dont les têtes se touchent, dont les bras sont enlacés. Ce sont les restes du vaillant Via Diego et de la belle princesse Atzimba, victime de la clémence du roi Tzimtzitcha, vengeur du soleil outragé. Ainsi se terminent La princesse Atimba et le capitaine Villadiego par Lucien Billard.